cresce con l'uomo, dove il sole non ha più il coraggio per farsi vedere. Lontano, molto lontano, dove vita vuol dire sopravvivere, dove morte vale qualcosa se il nemico a morire. Lontano, lontano ci stanno persone che non han più bisogno di sentire parole. Lontano, molto lontano, dove il silenzio è fatto di attese, dove le case non hanno tappeti né sete pregiate. Lontano, molto lontano, dove un paese non c'è sulle carte, dove una tenda può essere città o una cattiva sorte. C'est une métropole, c'est une métropole, des salopes parvenus, c'est une métropole, divisée dans les cinq ans des corrompus. Tu veux te masquer, c'est une métropole, derrière croix et coran, c'est une métropole, le riche a parlé, le dialecte des puissants. C'est une métropole, c'est une métropole, à faire près du ciel, c'est une métropole, les chairs brûlées ici pourrissent moins. Qui compte ai tuoi giorni, c'est une métropole, ragiona al sicuro, c'est une métropole, chi cade stasera davanti a quel muro. Lontano, molto lontano, dove il sangue si vende ai giornali, dove fa più notizia una strage che cento trattati. Lontano, molto lontano, dove le mosche non ti fanno dormire, dove i rumori che senti di notte non ti fanno sognare. Lontano, molto lontano, dove un turista non passa l'estate, dove parole, comizi o canzoni sono realtà già vissute. Lontano, molto lontano, dov'è il vostro inviato speciale? Non so più se sia meglio scappare, restare o sparare. C'est une métropole, c'est une métropole, des salopes parvenus, c'est une métropole, divisée dans les cinq ans des corps. Les grands du cosmos, c'est une métropole, ont divisé la terre, c'est une métropole, au dehors du pouvoir, c'est une métropole, au dehors de la guerre, c'est une métropole, c'est une citadelle, c'est une métropole, à côté de la mer, c'est une métropole, misère, colère, souvenir beaucoup cher. Il y a des vainqueurs, c'est une métropole, mais pas des vaincus, c'est une métropole, qui cade stasera, c'est une métropole, davanti a quel muro, c'est une métropole, qui cade domani, c'est une métropole, davanti a quel muro.